Épisode 9. Samedi. On est déjà samedi. Si vous connaissez cette sensation, quand vous vous réveillez d'un cauchemar, soulagé, et que vous réalisez que vous êtes encore en train de dormir, et que le cauchemar n'est pas fini. C'est ce que j'ai ressenti tout le long de cette enquête, un long cauchemar dans lequel je m'obstinais à me réveiller encore et encore. Wow ! Pas mieux. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Bah, on dirait une ébauche de temps plus pastafarien. Eh, hey, mais c'est ton fond d'écran, ça. Eh, hey, chut, t'es pas obligé de crier comme ça. Ouais, c'est la même image. Et là, c'est quoi? On dirait un genre de... d'hôtel. Regarde, il y a une photo. Dans un cadre, composé de macaroni. Achevez-moi, s'il vous plaît. Ah non, la photo. Quoi? C'est Bobby Anderson, le premier messie du pastafarisme. Le premier messie? Enfin, l'inventeur, je veux dire. C'est lui qui a écrit la lettre ouverte aux cathos intégristes pour que le pastafarisme soit enseigné à l'école comme le créationnisme. Et notre type lui a consacré un hôtel. Non, mais là, ça devient absolument délirant. Regarde sur les murs. Morori, pour le meilleur et pour le pirate. Grande purge à 100 degrés. Triste en fauteuil ravioli. Hasta dente. Non, mais c'est pas vrai, on est tombé sur un fanatique. Pire, un comique. Je déteste les jeux de mots. Ah, ça, ça peut être intéressant. Regarde. Ah ouais, un carnet. Eh ben, il y a des dessins, des scribouillages, bourrés de fautes. Moro religion, post-apocalypse, nouvelle civilisation pirate. Non mais il a pris au pied de la lettre tous les délires du pastafarisme, c'est pas croyable. Et c'est quoi là ce dessin d'enfant? Ça? La création du monde selon Bobby Anderson. Il avait joint à sa lettre au cateau. Au commencement, il y avait un arbre, une montagne et un nain. Pourquoi un nain? Parce que c'est drôle, Mathéo, c'est tout. Je te rappelle qu'on parle d'un monde créé par un monstre spaghetti volant. Ouais, j'ai tendance à l'oublier, tu vois. La force de l'habitude. Bon, on peut sortir maintenant? Ouais, je garde ce carnet. Maintenant, j'aimerais bien savoir plus sur ce Vladimir. Pourquoi s'en être pris à lui? Et comment on l'a tué d'ailleurs? J'ai pas vu de traces de coups ou de plaies. C'est parce qu'il n'y en avait pas. Ah, vous êtes là, chef? C'est par ce genre de réflexion que je réalise quel fin limier vous êtes, Radzoni. Il semble que le décès soit lié à une intoxication. Ah bon? Vous connaissez la maladie cœliaque? Pas personnellement, non. Intolérance au gluten. Intolérance grave. Monsieur Esconza en souffrait et quelqu'un lui a fait engloutir une énorme quantité de pâtes. Hérétique. Hérétique toi-même. Mais non, hérétique, c'est pour ça. Il ne pouvait pas manger le corps du monstre spaghetti. C'est écrit quelque part, ça? Non, évidemment que non. Mais étant donné l'idéologie délirante de notre suspect, ça ressemble bien à sa façon de raisonner. De mieux en mieux. Et à l'intérieur, vous avez trouvé des choses? Tout un monde. Et ce carnet, Karim? Rien, pour l'instant. Il faudra que je regarde plus en détail. Pas sûr qu'il y ait grand-chose d'autre que ces délires post-apocalyptiques. C'est pas comme s'il allait écrire son nom qui s'en impression. C'est pas vrai. Quoi? Regarde. Ce carnet appartient à Barnabé Nicolin. Ah ouais, quand même. Bah, attendez, rien ne prouve que ce soit effectivement la personne qui a écrit dans le carnet. En tout cas, Barnabé Nicolin existe. Hein. Comment vous savez ça? Par mon téléphone, je viens de le trouver sur Copain d'Avant. Il y a une photo? Regarde. Ok, c'est lui. T'as quand même pas une adresse avec ça? Je peux toujours voir si on le trouve sur l'annuaire. Attends, Barnabé Nicolin, il y est. Non, je refuse de croire qu'un type capable de nous laisser son nom sur un carnet ait pu nous échapper aussi longtemps. Et pourtant. Ok, allez-y tout de suite, soyez prudents. N'hésitez pas à appeler du renfort si vous sentez qu'il y a du danger. Ok, c'est bon. Karim, monte avec moi. Yep. Je serais presque déçu de le choper aussi facilement. Pas moi, hein. Ce gars a déjà tué deux personnes et profané la seule religion qui a du sens. Seule religion qui a du sens? Parce que c'est la seule qui assume de n'en avoir aucun. C'est Groucho Marx qui disait qu'il refuserait toujours de faire partie d'un club qu'il accepterait pour membre. Bah tu vois, moi je pourrais jamais faire partie d'une religion qui me demande de croire sans Dieu. Je savais pas que tu connaissais les Marx Brothers. Tu rigoles? J'adore les Marx Brothers. Mais tu crois que je tiens mon humour et ma vivacité légendaire? Bah j'ai toujours cru que ça te venait d'une grippe mal soignée. Jaloux. Ah, je crois que c'est là. Numéro 12. Interphone, Nicolas, Provastoche. Ok, donc il est pas là. Ou il veut pas répondre? Il y a son en dessous, là. Bonjour madame, c'est la police. Je ne suis pas intéressée, merci. Elle n'est pas intéressée, qu'est-ce qu'on fait? Attends, pousse-toi. Madame, nous ne venons pas pour vous, nous venons pour votre voisin, Barnabé Nicolin. Je ne connais pas d'abbé Nicolin. Putain. Non, votre voisin Nicolin. Eh bien, qu'est-ce que vous lui voulez? Nous aimerions lui parler, madame. Je comprends, c'est un garçon charmant. Oui, seulement il n'ouvre pas quand on sonne. Non, c'est parce que... Bon, est-ce que vous voulez bien nous ouvrir la porte par pitié? Oui, mais que ça ne se reproduise plus. Promis, madame. Ok, quel étage? Quatrième. T'as trouvé ça sur Internet aussi? Bah non, sur la boîte aux lettres. Ah, il y a un ascenseur. Bon, marche pas. Je me disais bien que c'était trop beau pour durer. Escalier. Escalier. Ok. Ok, alors attends. Attends, c'est quelle porte? Porte droite, là. Ouais, il y a une sonnette avec son nom. Je sonne. Attends, 15 secondes. Ouais. Ok, sonne. Ok, frappe. C'était déjà ouvert. T'as ton flingue? Ouais, ouais. Passe dedans. Monsieur Nicolin, police. Si vous êtes là, sortez les mains levées. Et si vous n'êtes pas là, ne faites rien. Non, sérieux, Karim? Pas pu résister. Allez, on avance. Ouais. Non, mais t'as ton flingue aussi. Bah oui. Alors pourquoi tu m'as demandé de passer devant? Tu fais ça tellement bien. Mais putain, Karim! Ok, c'est vide. Par contre, t'as vu le bordel? Et la casse? On dirait qu'on s'est battu, non? Ouais, ou qu'il a été cambriolé. Et t'as remarqué? Quoi? Bah, c'est quand même beaucoup plus sobre niveau propagande pastafarienne. J'ai juste vu quelques tracts traîner et des paquets de ramen vides dans la cuisine. Mais rien de plus. Comparé à ce qu'il y avait dans le box. Ouais. Peut-être qu'il voulait pas laisser trop de signes visibles chez lui. Il y a un ordinateur dans la chambre. Je vais voir s'il y a moyen d'y trouver quelque chose. Sinon, on faudra demander au gars de l'informatique. Mmh. Moi, je vais jeter un œil sur les papiers du... Qu'est-ce que c'est que ce capharnaüm? Oh! Je vous en prie, posez votre arme, mon petit. Vous allez vous blesser. Qu'est-ce que vous faites ici, madame? Bah, comment ça, qu'est-ce que je fais ici? C'est mon immeuble. Et vous sonnez comme ça, sorti de je ne sais où. Je voulais être sûr que vous n'étiez pas des voyous. Madame, nous sommes de la police. Ça change rien au problème. Qu'est-ce qui se passe ici? J'aimerais bien le savoir. Madame, est-ce que vous auriez une idée d'où nous pourrions trouver Monsieur Nicolas? C'est très important. Oh, moi, j'en sais rien. Hein. Vous savez, Barnabé, il va, il vient. Mathéo? Quoi? Le calendrier, regarde. À la date d'aujourd'hui. Boum, la cathédrale. Non. Pas la cathédrale, quand même. À ce stade, mieux vaut pas prendre de risques. Ok. Appelle le commissariat qu'ils envoient une équipe ici. Nous, on fonce à la cathédrale. Merci pour votre aide, madame. D'autres policiers vont arriver. Vous feriez mieux de rentrer chez vous. Bien, bien, si vous insistez. Vous embrasserez Barnabé pour moi, n'est-ce pas? Un garçon aussi charmant. Karine, tu viens? Je suis derrière toi. Mon Dieu, quelle agitation. J'avais pourtant bien dit que ce passoir sur la tête nous apporterait plus de problèmes. C'est vide par la bonne sœur là-bas. Mathéo, ça va? Oh, je me suis pris un truc dégueulasse sur la tête, c'est. Les spaghettis? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Mathéo? Quoi? Faut qu'on sorte ici. Mathéo! Quoi? Ils peuvent rester là, putain! C'est pas ça, mais... Mathéo, tu... Attends, j'entends rien! On s'éloigne en vitesse! Tu voulais me dire? Ton manteau est en feu! Paul, on fait feu! Merde! J'aurai ce Nicolas sous la main, il va passer un sale quart d'heure. Je crois qu'il t'a pas attendu pour ça. Qu'est-ce que tu racontes? Il est là, Mathéo. Dans le buisson. Et il a été poignardé. Quoi? Quatre fois. Et alors qui?